Love. Bonsoir et bienvenue dans Love Love Love, l'émission où l'on s'aime trois fois plus. Bonsoir chères auditrices, bonsoir chers auditeurs, bonsoir très cher Gento. Bonsoir très cher Dandy. Comme toujours, nous sommes absolument ravis de vous retrouver et ce soir... C'est de notre immense et luxurieux palais vénitien que nous vous recevons. Installé sur ce balcon en marbre incrusté de perles raffinées, surplombant le canal aux fenêtres ogivales sculptées, aux mille portes secrètes, remplies de mystères et de magie lagunaire, de musique, d'amour. Et de whisky. Oui, bienvenue sur Radio Dio. 89.5 ou radiodio.org. Radio Dio qui, comme vous le savez peut-être, fête cette semaine ses 42 printemps et vous propose à cette occasion une myriade d'émissions concoctées tout spécialement pour célébrer les ondes libres. D'ailleurs, ce soir, nous aurons le plaisir d'écouter Michael de Listen in Bed, qui nous a envoyé une petite sélection de son cru tout en sensibilité et poésie, n'est-ce pas, Gento? Tout à fait, très cher. Merci, Michael, pour ce partage. Nous te dédions ce premier morceau de François Roubaix, intitulé « Xavier à la maison d'arrêt ». Extrait de la bande originale de Lashkumun. Un un petit mot tout de même sur François Droubet, qui aura souhaité toute sa vie être réalisateur. Il sera d'ailleurs récompensé à titre posthume pour un court-métrage intitulé « Comment ça va ? Je m'en fous. » Beau programme. Il sera finalement compositeur autodidacte de musique de film, précurseur du home studio. Il aura eu une carrière brillante mais fulgurante puisque il meurt à 36 ans dans un accident de plongée sous-marine aux Canaries, la deuxième passion de sa vie. Au coucher du soleil, la campagne se vide de ses bourdons, de ses volucelles, et les abeilles regagnent leur ville de cire. C'est maintenant l'heure où sortent les animaux crépusculaires. Shoot. Vrombissant comme un aéroplane, le sphinx tête de mort se rend à l'appel sucré des fleurs de Troène. S'il est pris, il pousse dans la main qui l'en serre ses petits cris désolés. Encorné comme un bouc, le grand Capricorne règne sur l'écorce des chênes. C'est en faisant grincer son thorax articulé qu'il se plaint d'être capturé. Salut, love, love, love. Nous venons d'écouter Messor Capitata, puis Acherontia Atropos, et enfin Cerambix Cerdo. Extrait d'Entomophonia, chant d'insectes, d'André-Jacques Andrieux et Bernard Dumortier, au milieu desquels nous avons glissé Nurse with Wound, The Self-Sufficient Sexual Shoe. Nous allons à présent laisser la parole à Michael de Listen in Bed, qui nous honore de sa présence virtuelle. Je vous sers un whisky, Danti. Oh oui, Junto, s'il vous plaît. Oh oui, il me plaît. Salut, love, love, love. Pour la participation de Listen in Bed à votre émission, j'ai décidé de sélectionner deux chansons. La première, c'est une chanson de Telebossa, qui est un groupe brésilien que je suis en train de découvrir. Je pense que le titre signifie « J'ai rêvé que tu étais si belle », quelque chose comme ça. C'est une chanson qui m'a vraiment retourné le cerveau la première fois que je l'ai entendue. On dirait un peu Steve Reich qui ferait de la bossa nova, en quelque sorte. Et il y a un moment incroyable où le chanteur part en chant diaphonique sur la syllabe finale du mot Brasil. Et bon, c'est incroyable, je trouve. Et je me disais que ça pouvait être approprié à votre émission. La deuxième chanson que j'ai choisie, c'est une chanson d'Andrea Laszlo De Simone, qui est un chanteur italien. Je trouve que c'est une chanson incroyablement émouvante. Le reste du temps, Laszlo de Simone, c'est, je dirais, une espèce de Sufjan Stevens italien, mais donc voilà, c'est intéressant et parfois très chouette. Mais il y a vraiment un truc particulier dans cette chanson-là, notamment quand la batterie attaque. C'est vraiment à chaque fois un truc qui me fend le cœur à cet endroit-là, et puis la ritournelle sur laquelle se termine le morceau. Je vais faire un truc pendant que je vous diffuserai ces chansons. Je vais lire un peu de poésie, ce que je fais jamais dans Listen and Bed. Il s'agit de poèmes d'un auteur irlandais qui s'appelle Nick Laird et que je trouve génial parce qu'il arrive à être très évocateur, je trouve, en peu de mots. Voilà. Merci à vous de diffuser tout ça et longue vie à Love, Love, Love et vive Radio Dieu. poetry. It's a bit like looking through the big window of the top deck of the number 47. I'm watching you and her and all of them, but through my own reflection, or opening my eyes when everyone's praying. The wave machine of my father's breathing, my mother's limestone-fingered steeple, my sister's tiny fidgets, and me, moon-eyed, unforgetting. And then the oak doors flapping slowly open to let us out, like some great injured bird trying to take flight. Given. At first, they took the gift of smell. Oh well, we never used it much, though once or twice it let us know we hadn't lit the gas. We bit our tongues, then said, "Yes, help yourself." It is accepted we're losing our senses. Last year, they came, unpeeled each ear. Oh dear, we couldn't hear the cars come near. And once or twice we got ourselves in accidents. At night we fingertip each other's breath to check. We had our tongues, then said, "Here, take the rest." On Tuesday, laws were passed to snatch our taste. It's no great waste. Our appetites and cigarettes had put those taste buds to the test, so far as for us we swallowed tongues, then shrugged, to say, "Go right ahead." As long as they stay, we sit on our hands. Days diminish. Today they confiscated touch. We can guess how hot the water is, and in darkness estimate the distance to the bed. To accept these losses, we cover our faces, then scratch, "Be our guest," with a fork on the table. And then tonight, they came for sight. We knew they might. A minute back, they turned into our street. The door we've blocked with books now shakes. We play them tapes we had prepared, then hiss and mouth our tongueless chorus. But of course, they cannot see, of course. Niente potrà tornare a quando il mare era calmo. Sei un po' spaventato, proprio come pensavo. Vedrai, non serve a niente rintanarti in te stesso. Siamo solo conchiglie sparse sulla sabbia. Niente potrà tornare a quando il mare era calmo. Thank you. Vous êtes bien dans Love, Love, Love, dans la nuit à Longuy sur Radio Dio 89.5. Merci cher Michael et au plaisir de s'inviter une prochaine fois. Oh oui. Surfons à présent sur le flot endiablé de Bus Driver, champion du débit s'il en est, avec Imaginary Places, suivi de Cœur Vert et sa chanson intitulée Croque-Lune. I'm just here to hold your hand when you die and to show you around imaginary places. Put the many lumps in my bloody stump and the bull have a smile that's a perfect circle. Die in your sleep with the sky at your feet. I'll treat you when you have your only thing, you will find peace. How did you do it? I don't know, I'm okay. Every person I know is a secret story agent, cause I'm accused of lewd conduct. Stole the heart to rape her prom son, and I got a woman for my arrest and put me in a loony bin, a funny farm, cause I'm what I did. But I'm just here to hold your hand when you die. There was not a single person who could do it better. No need to skip it in my ecosystem, but in the audience me being a Christian, HMO, how I hate himself. But they charge me for a halo, but I'm in a scavenger hunt for a lab with a chunk of the sky. Songs on the silkscreen by my shirt, it is a kill dream. It is not to lead away to the stairwell to a god's administrative office and a final farewell. Just so to hold your hand when you die, and again, you're a song rifle, a banana clip, glow in the dark, but a stall in the park. Giving everybody informative pamphlets, no sign of life, for as far as I can see. Everybody's just charged me to bend the car seat. Each and die to the secret spy, cause I have the funny feeling that I'm being watched. Money for outward surveillance, money or power or ailments, but it's a medical supply. City shipping in the handle, niggas waiting when you come up in the afterlife. Just so to hold your hand when you die, it's like a bit of cough, travel right up on your soft spot. Make mushroom clothes out of your garden hills, turn into a dead gas blown to the air. She doesn't love me cause I have the right haircut. I misunderstood, I just fixed it under the hood. But I would not apologize for anything that I said. My name is Mr. Bus Driver, this is the producer Paris. We did not have ever to admit that we were purposed in a bit of our own imaginary place. Kids, if you want to piss off your parents, show interest in the arts. Shout outs now. Peace too. I'm just here to hold your hand when you die. Purpose and dedicate will also be there too. Just here to hold your hand when you die. I miss a kid to send the mums, the world will help you. Just here to hold your hand when you die. Cause a fellowship and Ash will help you. I'm just here to hold your hand when you die. To the Vinted Empire Hip Hop Clan too. I'm just here to hold your hand, dude. I'm just here to hold your hand when you. I'm just here to hold your hand when you. Celui Yodzakuraya ten no ongaku kikishin hito. Cerisier la nuit, une musique du ciel qu'écoute les hommes. Mais cette musique, ne serait-ce pas Bypass de Stockhausen and Walkman? C'est de l'album Organ Transplant qui nous accompagne en ce moment tant attendu dans Love. Voulez-vous bien aller vous préparer bientôt? Mais avec plaisir, Dandy, vous le savez bien. Est-il besoin de vous rappeler les modalités de notre séquence musico-magique, ludico-fantaisiste, tropicalo-érotique? Très chères auditrices, en direct sur Radio Dio, j'aperçois Giunto dans le plus simple appareil. Elle est belle, étrange aussi. Il se dégage d'elle une force inquiétante et attractive. Elle saisit le jeu de tarot, composé de 22 arcanes majeures. Elle est traversée d'une puissante vibration telle la petite maison Pompéi, mais elle ne s'écroule pas, elle décolle du sol. S'élève, et son corps tendu forme un arc de cercle. Et la voilà, allongée en l'air, battant les cartes. Oh ! Trois cartes jaillissent de ses mains et retombent sur le sol, parfaitement alignées. C'est incroyable, chères auditrices, chers auditeurs, nous vivons là un grand moment de radio. C'est du jamais entendu, quelle émotion. C'est vraiment exceptionnel. Je la vois à présent redescendre doucement vers le sol, telle une plume légère se posant délicatement sur l'herbe. Elle semble maintenant d'un calme égyptien, le visage serein. Laissons-lui le temps de reprendre ses esprits et de se rhabiller. Comment allez-vous bientôt? Dandy. Oh, Dandy, c'était formidable. Eh bien, quelle expérience. Voulez-vous nous délivrer le tirage de ce soir, s'il vous plaît, Gento? Bien sûr, avec plaisir. Alors, le tirage de ce soir, la force, la maison Dieu, le monde. Eh bien, pour nous laisser le temps de vous trouver le morceau qui illustrera ce magnifique tirage, écoutons Mermaid et la reprise tout à fait étonnante de I Put a Spell on You. Io gettati il malocchio, perché sei mio. Io gettati il malocchio, perché sei mio. Perché sei mio, non mi fermerai. Io c'è stato il malocchio, e te je t'en so. Car tu es à moi, je t'ai jeté un sort, car tu es à moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi, je t'ai donné mal au cœur. Perché sei mio, tu sei stato il malocchio, perché sei mio. Spell on you, because you're mine, you're mine, you are. I love you, I love you, I love you, how much I love you. Io gettati il malocchio, perché sei mio. Stop the things you do. Oh, no, I love you, I love you, I love you, anyway, I love you. And I don't care if you don't want me, I'm yours right now. I put the spell on you. You are standing there, and oh, how strange. Cause today I saw you for the first time. I saw you for the first time. Now this is the end. The end of a beautiful friendship. Hey, hey, hey, baby. It ended a moment ago. This is the end. The end of a beautiful friendship. I know it. I know 'cause your eyes told me so. Ce petit temps de réflexion sur le tirage de ce soir, sur lequel nous étalerons pas, nous sommes un petit peu en retard, qui, rappelons-le, est composé de la force, la maison de Dieu et le monde. Nous vous proposons d'écouter What I Think I Know de Poupérus, une amie à vous, n'est-ce pas, Dandy? Tout à fait. Une artiste, performeuse, danseuse, qui mérite d'être vue car c'est une expérience unique et très émouvante. I know what I do, you don't know. I know there's only you. Malheureusement, il est à présent l'heure de se quitter. Pour mieux se retrouver. Oh oui, dans 15 jours, le jeudi 17 juin à 22h sur Radio Dio 89.5 ou radiodio.org. Nous espérons que ce voyage en terre vénitienne vous aura plu. À bientôt. Merci, Junto. Merci, Dante. Heard about the fight. I hear the rumbling of the jungle.